Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Elle est de retour, la case du week-end. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être à l'écoute de la radio à vif. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct et en non-stop, bien sûr, avec un très beau programme comme chaque jour. Voilà, on a de la musique qui va arriver dans quelques instants. Votre horoscope arrive dans moins de 5 minutes. On parlera économie également avec Dominique Bayard et Nathalie Amard dans un tout petit instant avant 10h30, bien sûr. Et puis, les actus du numérique seront là, l'éphéméride, les actus des médias, et les médias sont chargés. Hein, niveau actus, je ne sais plus où donner de la tête. Voilà, vraiment, j'ai des infos qui me tombent, je change mon conducteur de minute en minute. Voilà, je ne sais plus quoi mettre, en fait. Je ne sais plus de quoi vous parler. Il y a trop d'infos des médias en ce moment, donc vous verrez. Petite sélection avec notamment... cette émission, eh bien, les audiences radio de la dernière vague radio de la dernière période qui sont sorties cette semaine, ce jeudi, et dont on va bien sûr parler comme la dernière fois. Niveau musique, voici ce qui vous attend. Bien sûr, je n'ai plus ma fiche sous les yeux parce que sinon, ça serait bien sûr trop beau. Dans quelques minutes, eh bien, on va écouter Boulevard Désert avec Lunis sur Radio Antigone. Tu rentres à Bruxelles. Nouvelle version de cette musique que nous allons écouter juste après l'horoscope. Et puis il y aura Kate Tunstall avec Hold On. Pendant ces extraits musicaux, je me rends compte que vraiment mon intro était catastrophique. Là, depuis que j'ai pris l'antenne, j'ai l'impression que l'intro était catastrophique. Mais bon, ce n'est rien, ça va le faire. Pour me rattraper, eh bien, je vais vous passer un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Un classique de la case du week-end qui arrive avant 11h. Youssou N'Dour avec 7 Seconds. Puisque vous le savez, sur Radio Antigone dans la case du week-end, eh bien, nous écoutons deux fois par émission des grands classiques musicaux que tout le monde a déjà entendus au moins une fois dans sa vie. Youssou N'Dour arrive donc dans 7h sur Radio Antigone dans la case du week-end avant 11h. Pour l'instant, voici John Lennon et Yoko Ono avec Instant Karma. Vous êtes sur Radio Antigone et nous venons d'écouter John Lennon ainsi que Yoko Ono avec Instant Karma. Oui, All Shine On sur la radio à vif, la case du week-end avec vous en direct jusqu'à midi. Voici votre horoscope. Et nous commençons, comme à chaque horoscope, par les béliers. Et les béliers, niveau famille, vous allez mettre toute la douceur du monde dans vos propos pour ne pas céder à un caprice déraisonnable d'un de vos enfants. Les taureaux en couple, ce sera le calme plat. On peut cependant noter qu'il y aura un climat de tendresse et de complicité. Les gémeaux en couple, vous aurez envie de prendre le large. Et oui, une idée de séparation pourrait naître et vous contraindre à vous éloigner temporairement de votre conjoint ou partenaire. Mais consolez-vous, cela ne sera que passager et l'éloignement aura pour effet d'intensifier et de consolider vos relations. Les cancers, vous recherchez du travail, préparez-vous dès le départ à devoir fournir des efforts soutenus ainsi qu'à organiser votre emploi du temps pour ne pas vous déconnecter du monde du travail. Les lions en couple, des tensions sont à prévoir si votre partenaire est du même signe. Célibataire, certains d'entre vous seront enclins à décider des projets d'union sur un coup de tête ou un coup de cœur. Les vierges, vous aurez envie de faire des dépenses importantes pour améliorer le confort de votre intérieur. Allez-y sans hésitation, l'ambiance astrale sera très propice à votre projet, même si vous devez emprunter pour le réaliser. Les balances, en principe, vous devriez retrouver un meilleur tonus que dernièrement aujourd'hui. Mais attention, ça sera toujours fragile à niveau forme. On continue avec les scorpions. Résistez à toute envie d'achat car vous ne penserez qu'à acquérir certaines choses tout à fait inutiles aujourd'hui, les scorpions. Soyez donc prudents. Les sagittaires, votre besoin de liberté sera plus prononcé que jamais au point de provoquer des approchages avec votre partenaire si celui-ci a le malheur de se montrer trop possessif. Vous devriez tout de même vous résoudre à faire quelques concessions pour préserver l'harmonie de votre couple. On continue avec les capricornes. Vous aurez intérêt à ménager la susceptibilité de votre entourage familial, les capricornes. Si vous en faites voir de toutes les couleurs à vos proches, ils vous mèneront la vie dure. On continue avec les Verseaux. Des malentendus sont malheureusement à craindre dans votre vie conjugale. Heureusement, un ami ou un parant sera même d'aider avec à chasser ces vilains nuages noirs. Bientôt, vous verrez la situation sous un jour différent. Et on termine avec les Poissons. Orage en vue pour vous les Poissons en couple. Cette vie de couple risque de subir des remous dans la mesure où vous vous laisserez aller lentement à des impulsions du moment. Mais si vous restez maître de vos réactions et surveillez étroitement vos propos, tout se passera le mieux du monde. Voilà pour votre horoscope. Bonne journée à tous. Le titre actuel. Avant de parler économie avec Dominique Bayard et Nathalie Amar, voici Boulevard Désert et Lunis, Bruxelles sur Radio Antigone. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mettrais des fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plante, juste comme ça pour le bonheur. Je nous imagine même en camping. À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Boulevard des Verts et l'UNIS, c'était Bruxelles sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. Nous retrouvons aujourd'hui Abla Junadi. Bonjour Abla. TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud, c'est en Asie que se concentre l'immense majorité de la production de semi-conducteurs. Ces composants sont si vitaux à l'industrie que leur pénurie, qui dure déjà depuis quelques mois, a ralenti des secteurs entiers comme l'automobile ou la fabrication de téléphones. À Washington, le président Joe Biden semble vouloir changer la donne. Ce lundi, il a donné rendez-vous aux industriels américains. L'enjeu, c'est de remettre les États-Unis au centre de la carte mondiale des semi-conducteurs. Et oui, car aux États-Unis, pays pionnier de cette technologie jusqu'à il y a 15 ans, une société comme Intel maîtrisait toute la chaîne, mais désormais, elle doit se tourner vers Taïwan et la Corée du Sud, comme vous l'avez dit, dont les entreprises concentrent la quasi-totalité du marché. La pénurie mondiale qui a commencé en décembre dernier a redonné de la voix à ceux qui demandent le retour de la souveraineté industrielle en la matière, Bring Our Factories Back. En quelque sorte, le président américain Joe Biden, dans son plan de relance à 2000 milliards de dollars en négociation au Congrès, consacre une partie, 50 milliards, à financer la recherche et la fabrication de semi-conducteurs. Joe Biden pousse aussi pour un texte de loi au Sénat qui va dans le même sens. Et Abla, évidemment, les industriels américains sont derrière leur président. Oui, hier, lors d'un sommet virtuel autour des représentants de l'administration Biden, il y avait ainsi des responsables de General Motors qui anticipent encore plusieurs mois de perturbation de la production à cause de la pénurie. Une question doit encore être tranchée. Si le pays devait à nouveau voir fleurir les usines de semi-conducteurs, quel secteur irait-elle servir en priorité? L'automobile, la téléphonie ou encore l'industrie de défense? Tout cela est loin d'être acté. Les dernières études estiment que pour être complètement autosuffisant en semi-conducteurs, les États-Unis devraient investir non pas 50 mais 1000 milliards de dollars. Et cela... Ce qui entraînerait forcément une hausse des prix, Abla. Abla, compte tenu des tensions avec la Chine, est-ce que le principal enjeu, ça n'est pas surtout de mettre hors jeu Pékin dans cette affaire, Abla? Oui, vous avez raison Arnaud, le bras de fer avec Pékin, commencé avec l'administration Trump, se poursuit avec la nouvelle équipe. Il se durcit même à la liste des sociétés technologiques chinoises interdites de commercialiser avec des compagnies américaines au nom de la sécurité nationale. C'est allongé sous Biden. Dans le même temps, des pistes d'alliance industrielle se dessinent entre les États-Unis et le Japon, voire même l'Europe, pour isoler la Chine, avec comme tête de pont le groupe GlobalFoundries, l'unique concurrent occidental dans le domaine des fonderies de semi-conducteurs. En Chine, dans le même temps, les autorités poussent aussi pour plus de capacité de production dans le domaine des semi-conducteurs. Elles réalisent des investissements massifs pour s'affranchir du matériel taïwanais, coréen, mais aussi des outils américains et européens, pour l'heure sans attendre les résultats escomptés. Encore quelques informations en bref, Abla. La Turquie et la Libye confirment leur accord controversé de délimitation maritime. Oui, controversé car il met les voisins méditerranéens, notamment la Grèce, devant le fait accompli, mais il cimente la relation entre Ankara et le gouvernement de Tripoli. Hier, le président turc et le premier ministre libyen l'ont réaffirmé. Cet accord, assorti d'accords commerciaux et de coopération, les entreprises turques déjà bien établies avant la guerre en Libye pourraient participer à la construction de centrales électriques, d'un nouveau terminal à l'aéroport, d'un centre commercial, voire à des prospections d'hydrocarbures. Depuis la mise en place du gouvernement de transition, Arnaud, les visites de délégations étrangères se multiplient en Libye. D'après le site Africa Intelligence, le PDG de Total, le français Patrick Pouyanné, est attendu lui-même à Tripoli la semaine prochaine. Abla Jounadi pour aujourd'hui l'économie, accompagné de son confrère de la rédaction d'RFI pour les questions de cette chronique aujourd'hui, l'économie. Aujourd'hui, l'économie qui revient, eh bien, dans une heure. Dans une heure, on va parler de bovins, de fraude aux bovins. Vous allez voir une histoire pas très claire, malheureusement. Je vous explique tout. En tout cas, on vous expliquera tout. C'est Anne Corpé qui vous expliquera tout dans une heure. Un point sur l'info arrive dans quelques instants. Et oui, à 10h30. Après, eh bien, Jaber, Woki et Mylan, voici Alastor sur Radio Antigone. Bonne matinée à notre écoute. Radio Antigone, c'était Jaber, Woki et Mylan avec leur titre Alastor à l'instant sur la radio Avif. Radio Antigone. La case du week-end continue pour sa deuxième demi-heure. Il est 10h31. Radio Antigone. La radio Avif. Voici dès maintenant un point sur l'actualité avec la rédaction. Bonjour. Bonjour à tous. Le Royaume-Uni fait ses adieux aujourd'hui au prince Philippe, l'époux d'Elisabeth II, mort le 9 avril à l'âge de 99 ans. Sont prévues une procession de 8 minutes à 14h45 heure locale, suivie d'un office religieux en comité restreint. Une minute de silence sera également observée dans tout le Royaume-Uni à 15h heure locale. L'actualité marquée également par le verdict attendu aujourd'hui dans le cadre du procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon. En première instance, 8 des accusés avaient été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison. Le ministère public a requis mardi un acquittement et des peines allant de 12 à 25 ans de prison. Quatre hommes, eux, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enlèvement de la jeune Mia, 8 ans, dans les Vosges. Elle est introuvable depuis mardi. Les suspects interpellés auraient été recrutés par la mère de la fillette qui s'estimait injustement séparée de Mia. Elle était hébergée chez sa grand-mère maternelle depuis janvier. À ce stade, il n'est pas à exclure que Mia et sa mère aient pu quitter le territoire national. Sur le front de l'épidémie, nouveau tour de vis en Guadeloupe pour lutter contre la pandémie jusqu'au 9 mai inclus. L'heure du début du couvre-feu est avancée de 22h à 19h. À cette mesure s'ajoute la fermeture des cinémas, théâtres et musées. Et puis les jauges dans les établissements recevant du public, tels que les centres commerciaux et culturels, sont abaissées. Sachez que le coronavirus a fait près de 3 millions de morts à travers le monde depuis décembre 2019. En France, les indicateurs épidémiologiques se maintiennent à un niveau très élevé, avec toutefois une stabilisation pour la majorité d'entre eux. Et le Japon, lui, est déterminé à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été comme symbole de l'unité mondiale, malgré la nouvelle vague de l'épidémie de Covid dans le pays. Enfin, de la page sport avec du football à suivre ce soir, la finale de Coupe du Roi avec le match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Merci beaucoup à la rédaction pour ce flash. On vous retrouve bien sûr à 11h pour un nouveau flash, un nouveau point sur l'actualité. Voici la météo. C'est parti, la météo très rapidement pour cet après-midi et la pluie qui va arriver depuis le sud-est de la France sur les côtes niçoises, notamment les côtes marseillaises. Des nuages et de la pluie donc qui montent. Il ne fera que 11 degrés à Marseille, 13 degrés à Nice. Attention aux pluies orageuses à Ajaccio, vous le comprenez donc, la pluie remonte partout ailleurs. Il y aura des nuages, voilà, des températures qui seront aux alentours de 12 degrés un peu partout, mais des nuages qui cacheront un petit peu le soleil. Pour avoir du grand soleil sans aucun nuage, il faudra être à Brest où il fera 12 degrés ou à Cherbourg 10 degrés. Pour demain, ça va s'éclaircir un peu, la pluie va disparaître demain matin et va se diriger du côté de toutes les frontières de l'Est, voilà, du côté des Alpes, du côté des Vosges, de Strasbourg. Je vous en reparle, on vous en reparle bien sûr lors du prochain point météo à 11h après le flash, bien sûr. La case du week-end continue à 10h34. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. La case du week-end et ses actus du numérique. Dans un instant, on va parler, on va de nouveau parler de cette pénurie de composants, de composants, notamment de semi-conducteurs, dont on a parlé dans Aujourd'hui l'économie. D'autres précisions concernant l'avenir de cette pénurie sont prévues dans ces actus du numérique. Vous avez vu comme c'est bien ficelé cette émission. On en parle dans Aujourd'hui l'économie et on en parle après dans les actus du numérique. On aurait presque pu faire une spéciale. Bon, ça aurait été un peu long, je vous l'accorde. De quoi parlerons-t-on d'autre après? Il y aura les actus des médias. Avant 11h, on va parler des jeux télé de France 2. Ça bouge du côté des jeux télé de France 2. Toutes les explications lors des actus des médias de 10h51. Et puis il y aura bien sûr votre éphéméride à 10h44 pour tout savoir sur ce 17 avril 2021. Niveau musique, voilà ce qui arrive. Avec dans quelques instants le tout dernier Ed Sheeran. Il est très beau ce tout dernier de Sheeran, très beau et tout doux. On l'écoutera donc dans quelques instants après les actus du numérique. Et vous le savez, comme chaque week-end, nous écoutons des grands classiques musicaux que tout le monde a déjà entendus au moins une fois dans sa vie. Et dans un instant, Youssou N'Dour avec Second Second. 7 secondes, bien sûr, vous l'avez compris, non? Ça arrive dans quelques minutes sur Radio Antigone. Avant 11h, je vous le promets. Pour l'instant, voici Keta Kate Tunstall avec Hold On. Et après, on parle donc numérique sur Radio Antigone. think you know that your shares are so underneath. I felt the fire of a burning question tearing me apart right from the very start. And now I see that it don't take a trick of the light to excite me. So strong, so long, you'll see. Hold on to what you've been given. Hold on, c'était Kate Tunstall sur Radio Antigone de la case du week-end. Radio Antigone, les actus du numérique. Je vous l'ai dit, on continue à parler de cette pénurie de composants électriques et notamment de semi-conducteurs. Une étude a été faite très récemment. C'est Ars Technica qui récapitule l'avis d'Intel, de TSMC ainsi que de Nvidia. Et ces trois entreprises sont unanimes. La demande est bien plus forte que les capacités de production. Et selon eux, cette pénurie ne saurait être résorbée avant 2023. Oui, 2023. Donc ce problème, cette chasse aux semi-conducteurs ainsi qu'aux cartes graphiques, aux autres puces, va perdurer jusqu'en 2022 selon eux. C'est en tout cas donc ce que nous récapitule, ce que nous dit cette étude de Ars Technica qui a posé la question à Intel, à TSMC ainsi qu'à Nvidia. Selon eux, le nombre de lignes de production n'est pas suffisant. Intel et TSMC s'apprêtent à déverser des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars pour des usines. Mais il faut du temps pour que ces usines soient construites et donc sortent de terre. Et pour que les retards de production soient absorbés, c'est ce que nous dit le nouveau PDG d'Intel, Pat Gelsinger, qui estime que l'entreprise a besoin de, tenez-vous bien, 2 ans. Hein, 2 ans pour développer une production capable de répondre à la demande estimée. Alors on pourrait se dire, oui, les entreprises qui disent qu'il faut, il faut du temps, c'est les entreprises qui vont ensuite pouvoir recevoir des subventions qui n'ont pas vraiment un avis très neutre sur la question. Sauf que, dans ces avis, il y a l'avis de Nvidia. Oui, Nvidia, qui est un petit peu à part, un avis totalement neutre car le producteur n'a pas d'usine et donc ne recevra pas de subvention. Donc en disant également que la production va être compliquée jusqu'en 2022, voire 2023. Cela confirme les dires de TSMC et de Intel, dont on aurait pu douter compte tenu de leur position de fabricant de toutes ces puces. La directrice financière Colette Kress, pour finir, est inquiète, hein, la directrice financière de Nvidia, puisque elle explique que la demande devrait continuer à dépasser l'offre cette année, selon elle. Voilà pour ces actus numériques qui reviennent dans une heure. Dans une heure, de quoi parlerons-nous? Eh bien, je ne sais plus. Voilà. Non, je sais très bien de quoi on va parler. Dans une heure, dans les actus du numérique, on va parler, du gouvernement qui a publié son rapport annuel sur les cybermenaces en France. Il y a plein de choses, plein de chiffres dont on va parler tout à l'heure dans les actus du numérique. Vous êtes sur Radio Antigone. Il est 10h42. Voici un titre actuel. Le titre actuel. Un titre actuel dans la caisse du week-end, c'est un titre tout récent, diffusé actuellement sur toutes les radios, quasiment toutes les radios généralistes françaises. Et voici le tout dernier Ed Sheeran, tout de suite sur Radio Antigone, avec Afterglow. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So sur Radio Antigone, et vous venez d'écouter le tout dernier Ed Sheeran. C'était Afterglow sur la radio Avif. L'éphéméride. Nous sommes le 107e jour de l'année. Le samedi 17 avril 2021, à Paris, le soleil s'est levé à 6h56 et se couchera ce soir à 20h46. Bonne fête aux Marianne, aux Manon, ainsi qu'aux Marie-Anne. Bon anniversaire aux deux sportifs Romain Grosjean et Joe Wilfried Tsonga, qui ont respectivement 34 et 35 ans, seulement un an d'écart donc entre le pilote et le tennisman. C'est aujourd'hui la journée mondiale du cirque, des luttes paysannes, ainsi que de l'hémophilie. L'hémophilie, on le rappelle, est un trouble de la coagulation. Les personnes atteintes d'hémophilie saigne plus longtemps lors d'une blessure par exemple, car leur sang ne contient pas assez d'une certaine protéine présente dans le sang et qui a pour fonction de maîtriser les hémorragies. C'est la FHM, la Fédération Mondiale de l'Hémophilie, qui organise cette journée dont le thème est cette année « S'adapter aux changements ». perdurer, la prise en charge dans un nouveau monde, en référence bien sûr à la crise sanitaire. Je vous invite donc à vous rendre sur le site de la FMH, c'est sur le site fh.org, afin donc d'en apprendre plus sur cette maladie qui touche tout de même plus de 5000 personnes en France et 40 000 personnes dans le monde. Rendez-vous donc sur hfh.org. Pour terminer cette éphéméride, voici un événement s'étant déroulé un 17 avril, retour en 1984 aujourd'hui, la policière Yvonne Fletcher, qui surveillait une manifestation devant l'ambassade de Jamaïra arabe libyenne à Londres, est tuée par des tirs venus du bâtiment. L'événement cause la rupture des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Libye. Voilà pour votre éphéméride du jour. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Antigone. Le classique de la case du week-end. Dans un instant, de grosses actus des médias avec du chamboulement du côté des Jeux TV de France 2 après l'annonce de l'arrêt des amours à la saison prochaine. On a encore du nouveau. Je vous en parle dans les actus des médias qui arrivent dans quelques instants sur Radio Antigone, juste après ce grand classique musical que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, même plusieurs fois, j'en suis sûr. Voici Youssou N'Dour et Néné Chéri. 7 Seconds. Gisma dile nga fokk ni xamuma li nek ci sama souf ak sigil bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci man moy di len jappale. formation en 1994 avec 7 secondes de Youssou N'Dour et de Néné Chéri sur Radio Antigone. Il est 10h52, voici les actus des médias. Radio Antigone. Les actus des médias. On parle ce matin de Jeux TV et pour cela, direction France 2, avec tout d'abord une annonce qui a surpris certains. Nagui a annoncé quitter l'animation de son jeu du midi. Tout le monde veut prendre sa place. L'information a été dévoilée via une interview au journal Le Parisien, mais la veille au soir, eh bien, l'animateur avait posté une petite vidéo sur son Instagram qui laissait planer un doute sur l'avenir même de l'émission. Ça a commencé en juillet 2006. Ça s'appelle une belle histoire. Un tout petit message, donc, hein, de 3 secondes. Finalement, l'émission devrait continuer sans l'animateur qui restera à la tête de l'émission jusqu'en août prochain. Mercredi, Nagui était invité de l'émission L'Instant M sur France Inter et il a expliqué les raisons de son choix. On l'écoute. Donc, vous arrêtez pourquoi? Vous arrêtez parce que l'envie vous passe, parce que vous... Ouais, c'est ça. Ce manque d'appétit, tout simplement. Tant qu'on a envie de faire les choses, on les fait bien. En tout cas, je pense qu'on les fait mieux que quand on se force. Si vous voulez, il fallait que ça bouge. Je trouve que c'est bien aussi d'arrêter au moment où il le faut, à mon sens. L'émission, elle, va continuer avec d'autres talents. Vous savez pas qui inquiet. Non, je suis pas inquiet, puis j'ai pas été consulté. Nagui, invité de France Inter il y a 3 jours. Je rajoute que lors de cette même interview, Nagui a évoqué des difficultés concernant l'évolution du format, qui est le même depuis son lancement en 2006 et qui a besoin d'être renouvelé. Selon lui, les deux productions du jeu n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une nouvelle formule, chacun rejetant celle de l'autre. Vous l'avez entendu dans l'extrait, pour l'heure, aucun remplaçant n'a été annoncé. On vous tiendra bien sûr au courant dans la case du week-end de Radio Antigone. Restons sur France 2, qui, après avoir annoncé il y a quelques semaines l'arrêt de la fin de la saison de son mythique jeu Les Amours, décide également de ne pas renouveler les deux jeux de Laurence Boccolini. Pour rappel, il s'agit de Mots de passe. De mots de passe ainsi que de Un mot peut en cacher un autre qui sont diffusés en alternance depuis la rentrée de septembre à 9h55. Pour justifier cette décision, la direction de France Télévisions évoque des raisons budgétaires, selon une nouvelle fois le journal Le Parisien qui nous transmet cette information. Pas d'informations concernant le programme qui remplacera les deux jeux. La seule information qui est pour l'instant en notre possession est que la dernière diffusion se fera le 2 juillet. Voilà pour ces actus des médias qui reviennent dans une heure, bien sûr, sur Radio Antigone. On parlera des dernières audiences radio puisque, eh bien, les dernières audiences de la vague janvier-mars 2021 sont sorties cette semaine. C'était jeudi exactement. Rendez-vous donc dans une heure. Pour l'instant, eh bien, il est 10h55 et 40 secondes environ. Voici un petit peu de musique avant de faire un nouveau point sur l'actualité, sur la météo. Claire Laffut et Isolt avec Nudes. Je roule tes hanches, mon corps se déhanche, cœur ensoleillé. J'ai le temps allé, une envie immense de brûler la piste, pieds nus tout l'été. J'espère pouvoir un jour te retrouver. J'attends tout le monde, mais t'arrives quand il te... Je n'arrive plus à capter jamais, pourtant dis qu'on se retrouve. On envoie des nudes de tout l'été, capturer l'instant sous nous sur la plage. On envoie des nudes toute la noche. Qui ressort, fleurs de sel sur la laitier de coco, cacao, de glace à l'eau de vie, de la pastèque sur les doigts, 37 degrés Celsius. Je t'entends, je n'arrive plus à capter, j'espère pouvoir un jour te retrouver. Je t'entends, Claire Laffut et Isolt, c'était News sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être avec nous dans la case du week-end. Figurez-vous que j'ai une minute d'avance. Et oui, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, une minute, avoir autant d'avance, je ne sais pas comment c'est possible. Vous allez voir, à la fin de l'émission, je vais être en retard. Voilà, je vais combler pour gagner cette minute. Et puis à la fin de l'émission, je vais me dire, oh bah mince alors, il me manque 5 minutes. Voilà, donc ça c'est sûr, de toute façon, je peux vous annoncer un petit bout du programme qui arrive dans un instant dans la case du week-end de Radio Antigone. On va revenir en 1987 dans quelques minutes avec l'archive pub. Et oui, vous le savez, chaque jour, on écoute une vieille publicité en guise de nostalgie. Et donc, dans quelques instants, une publicité pour de la mayonnaise de 1987. Et il y aura également bien le Musicator 2000. Nous allons redécouvrir ou découvrir une musique grâce bien à une radio d'un autre pays. On va écouter la musique diffusée sur cette radio d'un autre pays. Ça arrive tout à l'heure à 11h06 de Musicator 2000. Le programme télé sera également là. Et puis de la très bonne musique comme chaque jour sur Radio Antigone. Radio Antigone. Vous êtes avec nous, ça tombe bien, il est tout pile 11h. Radio Antigone, la radio à vif. La case du week-end qui continue dans un instant après un point sur l'actu avec la rédaction. Bonjour. Bonjour, le gouvernement orchestre avec prudence le déconfinement en France. Les dates du retour à l'école seront bien tenues. Les établissements scolaires accueilleront de nouveau les élèves entre le 26 avril et le 3 mai. Concernant les commerces non essentiels, ils pourraient rouvrir autour de la mi-mai, idem pour les terrasses des restaurants et cafés et des musées. L'exécutif qui planche aussi sur les protocoles et les conditions qui seront exigées pour accéder à certains lieux ou événements. En revanche, une mauvaise nouvelle pour les Français entretenant une relation à distance avec une personne étrangère hors de l'Union européenne. Le Conseil d'État a refusé hier de lever leurs restrictions de déplacement à cause de la pandémie. Concernant la vaccination, l'Agence européenne des médicaments se prononcera mardi prochain sur le vaccin Johnson & Johnson. Son utilisation est suspendue aux États-Unis en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Le groupe pharmaceutique américain a fait savoir qu'il avait pris la décision de retarder le déploiement de son vaccin contre le Covid en Europe. Côté chiffres, en France, plus de 5900 patients sont hospitalisés dans les services de réanimation. Sur les dernières 24 heures, 309 personnes sont décédées et plus de 36 000 ont été testées positives au Covid. Un rassemblement silencieux est prévu cet après-midi devant le ministère de la Santé à Paris à l'appel de l'intersyndicale nationale des internes en médecine. L'occasion de rendre hommage aux internes qui ont mis fin à leur jour du fait de leur charge de travail dans le contexte de l'épidémie. Minute de silence dans tout le Royaume-Uni à partir de 15h, heure locale. En la mémoire du prince Philippe, le Royaume-Uni fait ses adieux aujourd'hui à l'époux d'Elisabeth II, mort le 9 avril à l'âge de 99 ans. Une procession de 8 minutes débutera à 14h45 au château de Windsor, suivie d'un office religieux en comité restreint. Et la NASA mise sur SpaceX. L'entreprise d'Elon Musk a été choisie pour développer le système d'alunissage de l'agence spatiale américaine pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Merci beaucoup à la rédaction pour ce point sur l'actualité auquel je rajoute que nous venons de l'apprendre, le seuil des 3 millions de morts de la Covid-19 a été franchi malheureusement. Il est 11h02, voici la météo avec la rédaction, bonjour. Bonjour à tous, un samedi globalement agréable avec du soleil et quelques nuages le matin, des averses à prévoir du côté de Montpellier et de Marseille. L'après-midi, un temps calme et ensoleillé dans ce secteur. D'ailleurs, le soleil au rendez-vous hein, partout, excepté sur la Corse. Prévoyez des orages et de faibles pluies dans la région de Gap également l'après-midi. Et puis les températures au lever du jour entre moins 1 et 9 degrés. L'après-midi, 12 à Belfort, 13 à Lille, 14 à Ajaccio, 15 degrés à Paris, 16 à Nice, 18 degrés à Bordeaux et 19 degrés prévus à Montpellier. La météo revient dans 30 minutes à 11h30. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Effectivement, de 10h à midi. Ce qui veut donc dire qu'il reste à peu près 57 minutes, puisqu'il est 11h03 et une vingtaine de secondes. Je n'ai jamais été aussi à l'heure, voilà, comme j'étais en avance avant le flash. Eh bien, j'ai pu lancer le flash quasiment pile à 11h, voilà, donc c'est du pas mal. Allez, c'est un exploit aujourd'hui. Je vais croiser les doigts pour que la suite de l'émission se passe aussi bien, voilà, faut pas que je parle trop vite, pour l'instant ça se passe bien. Mais je vais pas parler trop vite, on va faire pour que ça aille bien jusqu'à après, avec l'archive pub qui arrive dans quelques instants, je vous l'ai dit avant le flash. Il y aura également le Musicator 2000, le programme télé, aujourd'hui l'économie, avec eh bien Anne Corpé, envoyée spéciale permanente de RFI à Washington. On va parler eh bien d'une vaste fraude sur le marché du bovin. Donc eh bien Anne Corpé nous explique tout ça aux alentours de 11h23 dans les actus du numérique. Après le flash d'11h30, nous allons parler du gouvernement qui a publié son rapport annuel sur les cybermenaces en France. Plein de chiffres à évoquer dans ces actus du numérique. Il y aura les actus du sport pour tout savoir sur les actualités sportives de ce week-end, ainsi que des actus des médias dans lesquels nous ferons un point sur les audiences radio sur la vague janvier-mars 2021, puisque ces audiences, ces résultats radio, ces sondages ont été publiés ce jeudi. Niveau musique, voici ce que je vous propose dans quelques instants. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. L'homme pâle avec Rel Liotta arrive dans les prochaines minutes sur Radio Antigone. Et puis un titre que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous avez connu, eh bien une des premières chansons de Cinzia Millia. Je te souhaite tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime vraiment ce qu'elle. Qui avec cette nouvelle chanson revient sur son titre sorti il y a quelques années, Tout le bonheur du monde, qu'on a tous d'ailleurs entendu dans notre vie. Donc cette nouvelle chanson Je te souhaitais de Cinzia Millia arrive sur Radio Antigone avant 11h20, voilà, dans la case du week-end de Radio Antigone. Niveau classique musical, qu'allons-nous écouter? Puisque vous le savez, on écoute un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Et il y aura Yes, avec Honor of a Lonely Heart. D'ailleurs, si j'étais un pro sur le lancement eh bien, de musique, j'aurais dit dans quelques instants, nous écouterons Yes avec. Je crois qu'il aime bien répéter ce titre. Voilà, on va l'écouter dans quelques instants, donc Honor of a Lonely Heart dans la case week-end de Radio Antigone. Pour l'instant, il est 11h06. Eh bien, c'est tout pile d'heure. De quoi? De l'archive pub, bien sûr, messieurs, dames. L'archive pub. Et on fait du bruit pour cette archive pub qui est là. Bonjour, archive pub! Ouais! Voilà, je suis un petit peu foufou aujourd'hui. L'archive pub, donc, retour en 1987. Vous savez que j'ai une grosse vidéo trouvée sur Wikipédia qui est merveilleuse. Voilà, dans cette grosse page de publicité, on a tout. On a plein de publicités chantées, on a plein de choses. Bref, je me fais plaisir à chaque fois que je vous en propose. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment une publicité chantée, mais voilà, je fais tranquillement, dans l'ordre. Et donc, voici cette publicité de 1987. pour eh bien la mayonnaise Le Sieur. Un kiwi avec un champignon ? Vous perdez la tête ? Le jambon autour de l'asperge, vous n'y pensez pas sérieusement ? Des crevettes et des brocolis. Mais quelle idée ! Mayonnaise Le Sieur, tu me donnes des idées. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Bon, il y a quand même un peu de chant avec le gant chanté à la fin. Publicité donc de 1987 pour la mayonnaise Le Sieur. Alors, un peu d'histoire avec eh bien la marque Le Sieur qui a vu le jour en 1908, nous dit Wikipédia, dans la ville de Coudurc. Voilà, un super nom dunkerquois. Coudekerque-Branche dans l'agglomération de Dunkerque avec la construction d'une première usine de production d'huile sous le nom de huilerie Georges Le Sieur. Vous avez compris, le fondateur de cette entreprise est donc Georges Le Sieur, qui avait 60 ans hein, et qui a créé avec ses 3 fils et 3 anciens collaborateurs de l'entreprise où il travaillait précédemment cette entreprise. Donc la construction des bâtiments a commencé en 1909 et l'usine a commencé à fonctionner quant à elle en 1911. Le logo hein, aux 4 losanges que l'on connaît tous date de cette époque, hein, de 1909, et il a très peu évolué depuis. En fait, il symbolisait l'union de Georges Le Sieur et de ses 3 fils. Voilà, donc ce logo a bien une signification. La bouteille consignée, eh bien, c'est un des produits qu'a proposé, un des conditionnements qu'a proposé Le Sieur, puisqu'en 1929, la marque introduit la bouteille en verre consignée pour le conditionnement du produit à la place des traditionnels tonneaux de bois. À l'occasion de ce changement, eh bien, la marque Le Sieur est donc déposée et vient d'identifier l'huile vendue Le Sieur qui devient progressivement, eh bien, dans la tête, qui est progressivement connue maintenant dans la tête des Français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine n'a pas trop souffert des combats, mais l'interruption des trafics des graines d'arachide en provenance du Sénégal a conduit ses dirigeants à délocaliser la production d'huile d'olive. Voilà, donc une entreprise qui, pour l'instant, eh bien, se porte à peu près bien, un chiffre d'affaires de plus de 610 millions d'euros en 2018, pour un effectif de 600 employés en 2018. L'un de ses principaux actionnaires est Avril, voilà, avec Softy Proteol. Voilà pour cette petite histoire de la marque Le Sieur. Il est 11h10 sur Radio Antigone. Merci d'être à notre écoute. Je vous propose eh bien le Musicator 2000 tout de suite avec une découverte musicale. Voici la nouvelle frite Seb avec Minuterie. Le Musicator 2000. Nous allons aujourd'hui au Pérou, et puis on va écouter, comme souvent, comme c'est le principe de la case du Musicator 2000, pardon, une musique diffusée actuellement sur une radio de ce pays. Et je vais aujourd'hui, nous sommes donc, je vous l'ai dit, au Pérou, et je vous propose de nous rendre sur Radio Magica, qui est diffusée sur 88.3 en FM et qui diffuse actuellement à son antenne, eh bien, Blondie avec One Way or Another. Eh bien, je vous propose que qu'on l'écoute tout de suite, puisque c'est le principe du Musicator 2000. Écoutez la musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Nous sommes donc au Pérou et voici sur Radio Antigone Blondie avec One Way or Another sur Radio Antigone dans la case du week-end. One way or another,

magazine Les Métamorphoses du Continent Blanc et c'est suivi d'un autre magazine inédit à 22h20, Pouvons-nous refroidir la planète? Sur C8 à 21h08, samedi Sébastien, sur W9, inédit La Petite Histoire de France, sur TMC à 21h05, rediffusion de Colombo, sur TFX à 21h05, des chroniques criminelles toute la soirée, sur NRJ12, la série télé Young Sheldon toute la soirée également, sur France 4, Les As de la Jungle, Opération Banquise, c'est un film, et c'est suivi de la rediffusion de Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie à 23h15. Sur C-Star, un épisode inédit de Ghost Adventure à 21h05, suivi de rediffusion. Sur Sister, Rénovation Impossible, également un inédit, puis des rediffusions. Sur RMC Story à 21h05, Secret de Conso. Sur Chérie 25, Belgravia, la série télé, suivie de rediffusion de The Closer, Los Angeles, enquête prioritaire. Voilà, pour votre programme TV, je crois que j'ai tout fait. Bah oui, je suis arrivé à Chérie 25. Eh bien, voilà pour ce programme TV et vos programmes donc de ce soir. Bonne journée à tous. Le titre actuel. Dans un instant, nous parlons économie sur Radio Antigone. Après Sinsemilia, je te souhaitais. Oh, dis-moi, tu te souviens de ça? Je sais, ça fait longtemps déjà. J'avais écrit ces rimes pour toi, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera cette voie, et où celle-ci vous emmènera, et où celle-ci vous emmènera. Tu n'étais qu'une enfant, qu'alors je portais dans mes bras, mais voilà, ce ne sont plus des mots. On en est vraiment là, je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde maintenant. Tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraîne la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. J'avoue, j'ai pas vu le temps passer, pas eu le temps de me lasser de ces petits bras qui m'enlaçaient. Je craignais les bombes sur ton chemin, et elles ne sont pas passées loin. Puisse-t-il en être de même demain, même si moi je n'y peux plus rien. Et te voilà jeune femme, seule gardienne de la flamme, ta flamme. T'inquiète pas pour mes larmes, je suis si heureux pour toi. Je te souhaitais bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde maintenant. Tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraîne la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. À ta génération, en héritage peu de réponses aux questions et un monde bien malade, mais je lis dans vos regards la force d'une promesse qui laisse vivre l'espoir que porte votre jeunesse. Je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde maintenant. Tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraînes la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Sinsemilia, c'était Je te souhaitais sur Radio Antigone. Aujourd'hui, l'économie. un Américain risque 20 ans de détention pour une vaste fraude sur le marché du bovin. Et oui, c'est Cody Easterday qui a plaidé coupable et qui va devoir payer une amende de 244 millions de dollars. Sauf accord à l'amiable d'ici là, il sera fixé en août prochain sur la durée de sa peine de prison. Il a pendant plusieurs années spéculé sur les cours du bœuf en montant une vaste arnaque. Le reportage de l'envoyé spécial permanent de RFI à Washington, Anne Corpé. Le trafic de bétail est aussi ancien que la conquête de l'Ouest américain, mais cette affaire est l'une des plus vastes arnaques jamais montées dans l'histoire des cow-boys. Pendant 6 ans, Cody Easterday a acheté, nourri et revendu du bétail qui n'existait pas. Un système de fraude à grande échelle, selon le procureur qui instruit l'affaire. Ce fermier de l'État de Washington avait convaincu Tyson Freshmeats, le deuxième plus grand transformateur et distributeur de viande au monde, de lui avancer les fonds nécessaires pour acheter et nourrir son cheptel. Il était censé rembourser son partenaire une fois les bêtes abattues et vendues au prix du marché. Mais les centaines de milliers de têtes de bétail étaient tout simplement inexistantes. Toutes les factures, tous les documents produits étaient des faux. Au lieu d'acheter des bovins, Cody Easterday utilisait l'avance qui lui était versée pour spéculer sur le bœuf, sans grand succès puisqu'en 10 ans, il a accumulé plus de 200 millions de dollars de pertes en négociant des contrats à terme sur ses comptes personnels et professionnels. Ces spéculations étaient tellement importantes qu'elles ont dépassé les limites autorisées par le marché de Chicago et entraîné des variations excessives des cours. Il a même été 2 fois mis à l'amende par les autorités du marché. Lassé de financer l'achat et l'entretien de troupeaux sans jamais voir la moindre carcasse, le distributeur de viande a finalement porté plainte. Tyson Freshmeats, c'est une grande entreprise qui devrait avoir d'excellents contrôleurs. Ne pas s'apercevoir de la fraude pendant 6 ans est vraiment extraordinaire, a commenté un procureur adjoint. Le cow-boy du marché a mis l'affaire méritée de ses parents en faillite. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Anne Corpé, merci beaucoup à vous. Vous êtes correspondante permanente de RFI, nos partenaires à Washington DC. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'économie revient demain. Voici un peu de musique. Feu Chesterton, à l'aube tout de suite. Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste. Sur les plages asiatiques, où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit, où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti. Il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis, ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions long courrier. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube.

cette semaine. Niveau musique, eh bien, je vous propose dans quelques instants un bon Maroon 5. C'est leur tout dernier titre qui arrive sur Radio Antigone dans quelques minutes. Et puis, niveau classique musical, comme d'habitude, un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, il y aura Yes avec... Honor of a Lol of a Lolly Heart. Vous voyez, il le dit bien mieux que moi, le chanteur de Yes. C'est pas plus mal, voilà. Parce que moi, mon accent anglais n'est toujours pas très bon. Ma prononciation anglaise n'est toujours pas très bonne. Alors, le temps, moi, d'aller me prendre quelques cours. J'ai 2 minutes 56 exactement pour prendre, eh bien, des cours de prononciation d'anglais. Je vous laisse avec Crazy. C'est Gnaris Barclay. Ouais, il faut vraiment que je prenne des cours. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Radio Antigone, vous venez d'écouter Crazy avec... Non, c'était l'inverse, hein. Vous venez d'écouter Crazy, c'était Si mon chat ne passe pas devant l'écran. Coucou, Clounette, oui, merci à toi. Avec Gnaris Barclay, c'est toujours plaisant d'avoir un chat qui cache juste en fait ce qu'on voulait. Elle a caché pile la ligne, elle était fine pour la ligne que je voulais lire en fait. Voilà, mon chat est maigre et du coup elle cachait juste la ligne, juste la ligne où il y avait écrit Gnaris Barclay. Pour vous dire, je voyais même écrit Crazy, que j'avais déjà dit. Radio Antigone, les actus du numérique. C'est ça, installe-toi tout près de moi. Ouais, ouais. Ouais. Après, elle essaie de se faire pardonner. Voilà, elle ronronne, elle fait des câlins. Mais bon, là n'est pas le sujet puisqu'on va parler numérique. Puisque, eh bien, le gouvernement a rendu un rapport annuel concernant les cybermenaces en France. Et oui, un rapport mais qui est très intéressant, hein, surtout avec la période de Covid-19, qui, eh bien, nous confirme que la fréquentation d'Internet a été en très nette hausse, ce qui a, eh bien, augmenté également la fréquentation des particuliers en recherche d'assistance. En effet, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a vu la fréquentation de sa plateforme grimper de 155% en 2020, avec un total de 1,26 million de visiteurs. La tendance est à la hausse depuis la naissance de la plateforme en 2017, avec seulement 144 000 visiteurs cette année-là, 200 000 en 2018 et 500 000 en 2019. Une belle croissance donc, surtout en 2020. Et on a beaucoup de chiffres, hein, concernant ce que veulent venir voir, les informations que veulent trouver les Français, qui nous donnent donc des informations sur ce qui leur arrive à ces Français, et donc des informations sur les cybermalveillances les plus utilisées, les plus connues. Le site donc cybermalveillance.gouv nous indique les 15 principales cybermalveillances sur lesquelles ont porté les recherches d'assistance des particuliers en 2020. Et pour 17% d'entre eux, c'était le hameçonnage qui était la raison de leur recherche d'assistance. Le piratage de compte arrive deuxième, 12%. Et étonnant, le faux support technique, troisième à 11%. Vous savez, c'est quand vous avez une page de publicité, souvent, quand vous cliquez sur quelque chose, bon, il y a une page qui s'ouvre en pop-up et qui vous indique que votre ordinateur a été infecté, pour recevoir de l'aide, appelez le blablabla. Bien sûr, ce n'est pas vrai, hein, c'est justement en utilisant, en appelant ce numéro, eh bien, que vous allez déjà payer très cher et que vous avez des chances d'avoir des problèmes avec votre ordinateur. Il suffit tout simplement d'essayer de fermer la page, même si parfois ce n'est pas facile. Mais visiblement, beaucoup de Français tombent dans le piège puisque ce faux support technique concerne donc 11% des recherches d'assistance des particuliers en 2020 sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Notons que le chantage à la webcam arrive pour 8% des recherches. Et la fraude à la carte bancaire seulement 2%, au même titre que le vol d'identité, le spam électronique, le piratage de compte bancaire. L'arnaque commerciale arrive quant à elle pour 3% des recherches d'assistance des particuliers. Je rappelle que sur ce site cybermalveillance.gouv.fr, eh bien, vous avez de nombreuses informations pour éviter, d'une part, de vous faire piéger, mais également pour recevoir de l'aide. Par exemple, sur ce site, 1000 professionnels sont référencés, en tout cas, c'était le nombre fin 2020, et 75% des demandes d'assistance reçoivent une réponse d'un prestataire en moins d'une heure. Donc, si vous avez vraiment besoin d'une aide, la plateforme mise en place par le gouvernement, dont je rappelle le nom, cybermalveillance.gouv.fr, est là pour vous aider avec de nombreux conseils. Elle a beaucoup évolué, notamment cette année, avec de nombreuses ressources mises en ligne. 6 nouvelles fiches, par exemple, ont été publiées sur le site en 2020, qui concernent le spam électronique, le spam téléphonique, la sécurisation du télétravail, le chantage à l'ordinateur ou à la webcam, prétendu pirater, la fraude à la carte bancaire. Bref, de nombreux conseils pour adopter les bonnes pratiques en matière de protection et de sécurité numérique. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce rapport d'activité, vous pouvez vous rendre sur le site clubic.com, qui a publié un petit article et qui vous renvoie sur ce rapport, un rapport de plusieurs pages en PDF, de 56 pages en PDF que j'ai sous les yeux. Hein. Et on note donc, pour ce dernier chiffre que je vous donnerai dans cette chronique, que, eh bien, la recherche d'assistance est demandée pour 88% par des particuliers. Et intéressant, les entreprises et les associations sont quand même nombreuses à avoir ce genre de problème, puisque 10% des recherches d'assistance concernent les entreprises et associations, et les collectivités et administrations, c'est pour 2% d'entre elles. Voilà, j'espère que mes explications étaient à peu près claires. Voilà, merci d'avoir suivi ces actus du numérique qui reviennent demain, bien sûr, sur Radio Antigone. Pour l'instant, voici un titre actuel. Le titre actuel. Un titre récent, donc, diffusé sur de nombreuses radios françaises actuellement, Maroon 5 et Megan The Stallion, Beautiful Mistakes. It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to me. I take a shot of memories in black, I like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed and I will lie awake making beautiful mistakes. I wouldn't take them back. I'm in love with the past and I will lie awake making beautiful mistakes. Na na na in my head, na na na in my bed, na na na hey. Making beautiful mistakes. It's pitiful, I can't believe how every day gets worse for me. To keep myself from looking soft, I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on, I'm just depressed that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes beneficial, doing something different, got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming, lucid, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing on club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah. You miss my love all in your bed. Now you're stressed and I'm pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the show wall like a stairs. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. And if we break up, I don't wanna be friends. You're toxic. Beautiful mistakes sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'être avec nous. Les Maroon 5 et Megan Twitch Tellion. C'était Beautiful Mistakes à l'instant sur la radio à vivre dans la case du week-end. Le tout dernier titre des Maroon 5. Et il est pas mal quand même. Il est sympathique ce tout dernier titre. Et oui. J'étais en train d'essayer de trouver le bouton pour démarrer le jingle et je me suis raté en fait. J'étais décalé d'un bouton donc ça fonctionnait pas. Voilà, tout simplement. Voici les agrandes. Et Jim, bah, je vous propose de commencer par la Ligue 1, ce qui est étonnant hein, de ma part, étant donné que je suis pas un grand fan de foot, mais je commence tout de même par la Ligue 1. Et hier, Lille a affronté Montpellier et a terminé avec un match nul, un partout. Lille n'a donc pas consolidé son avance sur le Paris Saint-Germain et se retrouve qu'avec un seul petit point d'avance au classement de la Ligue 1 sur le Paris Saint-Germain. 33 points pour Lille, 32 pour le Paris Saint-Germain, 32 également. Alors non, là je pense que je suis en mots, je me dis n'importe quoi là, oui, je parle en nombre de matchs joués, non. Donc, Lille ne consolide pas son avance sur le Paris Saint-Germain et n'a que 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Monaco est un point derrière le Paris Saint-Germain à 65 points actuellement. Et c'est Lyon au classement général qui est pour l'instant 4ème. Ces 3 dernières équipes n'ont pas encore joué leur match et vont jouer eh bien, pour la plupart aujourd'hui. C'est le cas du Paris Saint-Germain qui va affronter Saint-Etienne demain à 13h. Donc c'est pour aujourd'hui hein, du coup. Angers affrontera Rennes aujourd'hui à 12h45. Et Marseille va jouer contre Lorient à 17h. Je vous parlerai des matchs de demain. Bien sûr. Du côté de la Formule 1, eh bien, il y a un grand prix aujourd'hui. Mais oui. Le grand prix d'Émilie-Romagne. Nous sommes sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. La course débutera demain à 15h. Ce sont actuellement les essais libres 3. Les qualifications seront donc eh bien, à suivre tout à l'heure. Et on parlera de la grille de départ de cette course demain dans la case du week-end et dans les actus du sport. De quoi peut-on parler d'autre ? Eh bien, on peut aller du côté de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis pour la NBA. Et oui, un petit peu de avec les Philadelphia Sixers, les leaders de la conférence Est, qui ont battu les Los Angeles Clippers 106 à 103 hier. Les Brooklyn Nets se sont eux imposés face aux Charlotte Hornets, nous dit le site l'équipe, 130 à 115. Voilà, alors on continue ces actus du sport avec eh bien, des Français sélectionnés en escrime pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La Fédération Française a dévoilé la liste des athlètes des équipes de sabre femmes et de l'individuel homme qui ont été retenus pour ces Jeux Olympiques 2020 qui se tiendront donc en 2021 à Tokyo. La Fédération Française d'escrime avait dévoilé il y a 2 jours la liste en fleurée, mais donc hier c'est la liste pour les sabres qui a été dévoilée. L'expérimentée Cecilia Berder, championne du monde par équipe en 2018 et vice-championne du monde 2015 et d'Europe en 2018, sera présente. Manon Brunet, vice-championne du monde par équipe en 2019 également. Tout comme Charlotte Lambach, championne du monde par équipe en 2018 et vice-championne d'Europe en individuel en 2015, font donc partie, les trois font donc partie des sélectionnés pour l'épreuve individuelle et par équipe. Sarah Balza rejoindra l'équipe pour la compétition par équipe. Et Caroline Queroli et Sarah Camille, 2 fois vice-championne d'Europe en individuel, quant à elles remplaçantes. Pour les hommes, Baladé Apiti sera présent en individuel et ça sera le seul pour l'épreuve individuelle masculine. Voilà pour ce point sur les qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo du côté de l'escrime. On termine ces actus du sport eh bien avec du judo, je crois, oui, puisqu'il y a en ce moment les championnats d'Europe de judo. Nous sommes je ne sais plus où. Je suis là, pardon, excusez-moi. Les championnats d'Europe de judo, donc à Lisbonne, qui ont commencé eh bien hier, 2 médailles déjà. 4 médailles en 4 combats déjà, dont une médaille d'or. Amandine Bouchard, en moins de 52 kilos, eh bien, a remporté la compétition. Après l'argent en 2014 et le bronze en 2019, elle s'est imposée face à l'Italienne Odette Guifrida. Mélanie Clément a terminé 3e pour sa première médaille internationale en moins de 48 kilos. Lucas Metzdev, du côté des hommes, est vice-champion européen et sera présent aux Jeux Olympiques, qui ont terminé avec la dernière médaille. Un deuxième podium européen consécutif pour Sarah Léonie Sizik dans la catégorie des moins 57 kilos. Elle a terminé 3e, médaille de bronze donc dans ses championnats d'Europe à Lisbonne. Voilà pour ces actus du sport. Il est 11h54 sur Radio Antigone. Le classique de la case du week-end. Comme prévu, je suis en retard. Voici Yes. Vous venez d'écouter Yes avec Honor of Lonely Heart sur Radio Antigone. Il me reste moins de 2 minutes pour vous dire au revoir ainsi que pour faire la dernière chronique qui est les actus des médias. Radio Antigone. La case des médias. D'ailleurs, c'est le mauvais jingle que j'ai lancé, bien sûr. Les actus des médias qui étaient normalement consacrés au bilan d'audience des radios pour la dernière tranche. Le problème, eh bien, c'est que j'arrive à court de temps et il y a tellement de tellement de choses à dire que je pourrais pas tout vous faire en fait. Je vais vous faire un bilan très rapide et puis un bilan plus détaillé demain dans la case du week-end. Je vous promets, dès les premières actus des médias, je vous ferai comme ça, j'aurai tout le temps après. Là, le problème, c'est que le radio journal va s'enchaîner, je peux rien faire en fait, il va s'enchaîner automatiquement. Donc, je ne peux pas passer. Donc, très rapidement, bilan d'audience, bilan positif quasiment seulement pour France Info qui continue sur sa lancée, portée sûrement par l'actualité riche actuellement et qui gagne encore des auditeurs. Bravo à eux, France Info Radio, donc, qui est bien en très grande forme actuellement. Les chiffres, normalement, je les ai. Et oui, quelque part, normalement. Voilà, une évolution tout de même par rapport, eh bien, à la dernière vague d'audience de moins 2,6%, hein. Mais ça monte quand même. Voilà, de moins 6,1% par rapport à la dernière période. Ouais, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps du tout. Bon, je suis désolé. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir suivi cette émission. Voici le Radio Journal tout de suite qui va me couper la parole. À demain. Salut. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.